Y'a des familles entières qui dorment au télo. L'huissier ne laissera pas de délai. Je veux des billets violets comme Donatello. Bah ouais, enfoiré, on ira pas tous au paradis. Tu baratines vers la monnaie en paradis. Il pleut des balles, tout le monde n'a pas de parapluie. Kevin Capoza, Marco, tout ma paradis. Et tu le sais, on peut retrouver ton corps sans vie dans une cave. Combien de cas sont béton? Escadama a dit maman ce soir j'entrerai pas. La vie est un combat, on vit au jour le jour. Un jour on partira sans vous laisser aucune trace. Je suis un gosse du béton, je trahis pas la Honda, je trahis pas pour une tasse. Et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense. Et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense. Et la nuit je dors pas, j'appelle la chance, mais y'a que la foi qui me rappelle. Je voulais même la kidnapper, je suis pas le seul qui l'a pas, mes refrains ressentent ma peine. Jamais là à l'heure du dîner, charbonné ou dealé, euro dollar dinar. A la misère je dis non, je m'éloigne du dîner, je me passe un signe. Et les derniers seront les premiers. Tu sais, j'ai passé mon temps à donner, donner. Tu sais, oublie le bien, retiens que le mauvais. Tu sais, et ta chance personne ne va te la donner, donner. Tu sais, et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense. Et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense. Et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense. Et la nuit je dors pas, je suis dans mon coin et je constate que plus rien n'est comme avant. La défense et l'attaque, mais les policiers s'en prennent aux gens sans défense.